Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 88 522 4373, labarberie.com. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita, votre rendez-vous avec le rock progressif d'aujourd'hui. Et cette émission consacrée donc à beaucoup de nouveautés. Et il y a beaucoup de nouveautés du côté italien. Alors ce soir, je me suis payé un peu la traite. Je me suis laissé aller avec plusieurs sélections dans le rock italien. Évidemment, du rock de partout. Comme d'habitude, on parcourt la planète, on regarde du côté des nouveautés et des plus récentes années dans le rock progressif. On va débuter donc avec la nouveauté du groupe italien La Cosiesa di Zeno. C'est leur second album intitulé Sensitivita. Alors ça vient juste de sortir, c'est publié sur l'étiquette Falling. Et il y a aussi la nouveauté de Il Cerchio d'Oro. Michel, vous en avez présenté un premier extrait il y a 3 semaines environ. Et donc, ça aussi, c'est leur second album. Et c'est un album intitulé Dedalo e Icaro. Et il y aura aussi une pièce de cet album. Donc, on débute avec La Cosiesa di Zeno, la pièce Pauvre misère. C'est en français, mais c'est chanté en italien. Le titre est en français. Et suivi donc de Il Cerchio d'Oro, Il mio nome è Dedalo. Spume giganti con tariffe agevolate. fanale. Non sia manufatto industriale da scartare e consumare, oppure la rivoluzione generale. Non vi è che manovra editoriale stampata sulle magliette strette, la faccia del cielo a sprimacia le tete. Andarti soppiato alle spalle di coppiette tra i rifiuti di giornate mai perfette, a fissare le vetrine di un'idea, brutte marionette parlano svogliate solamente cose sfatte, sminacciate. C'è chi urla sveglia, chi ci ammazzerete come cani, con quel bel candore bianco come neve neve mi sta. Cioletti che fischiettano al Signore, le con la pala fa rumore. Sua parte, il mio nome è colui che lavora con arte, lavora con arte. Sono geloso dei miei la guitare de Steve Hackett, et c'est une de ses contributions à l'album The Rome Project. Et c'est un projet de Vincenzo Riccia, qui est un claviériste. Alors, on l'a entendu sur cette pièce-là en compagnie de Maurizio Mirabelli aux percussions. Et c'était la pièce de Mouth of Truth. En fait, c'est ce qui conclut ce projet de Rome Project sur lequel il y a Steve Hackett, David Cross aussi, David Jackson, Richard Sinclair, John Hackett, Nick Magnus et Francesco Di Giacomo, qui fait aussi une narration au début. C'est celui de Banco, le chanteur de Banco. Alors, c'est un beau projet. C'est un peu inégal, parce que les pièces sont assez différentes en fonction des artistes invités, mais c'est un projet intéressant. Alors, juste avant, on avait la nouveauté de Il Cerchio d'Oro, la pièce Il mio nome è Dedalo. Et on avait débuté avec la Cosiesa di Zeno de Sintetitiva, leur nouveauté. Alors, on y va maintenant avec Willow Glass. C'est le troisième disque pour Willow Glass du Royaume-Uni. Et c'est un beau projet. On a entendu quelques pièces dans les émissions précédentes. Alors, ce soir, ce sera la pièce titre de Dream Arbor, donc, du troisième disque. C'est Andrew Marshall qui est derrière Willow Glass. Et ça faisait 5 ans déjà. Et c'est un beau disque symphonique, donc, la pièce de Dream Arbor. Et en revenant de la pause, on aura également Fido. Qu'on a pu voir, et ça a été un super spectacle à la convention Terra Incognita. Et Fido, qui est un bonhomme très sympathique, c'est un beau spectacle qu'on a eu. Et il y avait un album promotionnel avec des versions différentes. Celle-là, c'est Thank You for the Evil, qui apparaît en version différente sur l'album Doomsday Afternoon, qui est vraiment un très bon album de Fido. Alors, au retour de la pause, Fido, mais tout de suite, Willow Glass. Vous écoutez CKRL HD. Une radio haute décibels. Le bénévolat, c'est altruiste, utile et même indispensable. Et surtout, c'est bon pour la communauté. Sous le thème « Anatomie d'un bénévole », le Centre d'action bénévole de Québec vous invite à découvrir plus de 40 portraits et témoignages de bénévoles de la région. Des hommes et des femmes d'origines différentes qui s'impliquent avec passion dans plusieurs domaines. Pour connaître les lieux et les dates de l'exposition, consultez anatomie-bénévole.com. Le Centre d'action bénévole remercie ses nombreux partenaires. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. CKRL. It's been gutting them. was to some an enemy of the state. All we want to know is what you've done. Set about the future. Sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita, c'était Fido. C'était une version spéciale avec un disque promotionnel de la pièce Thank You for the Evil, dont l'original apparaît sur l'album de Fido, Doomsday Afternoon. On disait beaucoup Fido, mais depuis qu'on l'a vu, on s'est fait corriger un peu. On s'est rendu compte que, évidemment, il ne prononçait pas ça comme ça aux États-Unis. Et j'ai demandé un peu, puis il y a une petite anecdote, puisque nous, on prononce Fido. La chanteuse qui est francophone a prononcé aussi la même façon que nous. Puis le guitariste me disait qu'il trouvait ça plus intéressant, Fido, que Fido. En tout cas, c'est une petite anecdote. Donc, Fido Xavier. Et sous le nom Fido, donc, il y a plusieurs albums. Il y a aussi Mogon, qui est aussi le projet avec les mêmes musiciens. Et il y a aussi une pièce promotionnelle donc sur cet album-là. C'est tiré de Mogon, de l'album We Saw the World and It's Beautiful. Et j'ai choisi la pièce Snuff. Et ce sera suivi de Ben Craven. C'est son premier album, Great and Terrible Potions. C'est un bonhomme qui vient de l'Australie. Et c'est un beau disque en plus. Il y a une pochette dessiné par Roger Dean, celui qui faisait les pochettes légendaires de Yes, du groupe Yes, et ce sera la pièce No Specific Arm, et j'ai trouvé que ça fitait bien avec Fido et Mogon. Donc on y va tout de suite en musique avec Mogon et Ben Craven. I went and stood outside. Dark the vision set in stone, such cool relief for shadows lonely as the night. For all the world that seldom sleeps, am I the dream you cannot keep inside your head? Listen for the sound that moves, what waits for me just waits for you, and there's nothing we can do. And you know somewhere, someone controls the wires, and you know somehow you are there. And you know somewhere, there's pride. Last night I thought I was dead, and if I move from off bed I still might be. So what was all this waiting for inside the foyer, behind the door? The lock holds the key, and it seems somewhere someone controls the wires, but the leads to me were not there, and there seems to be no motion in the fire, just ashes of desires not to be. Just ashes of desires not to be. Out from the cold. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Voulez-vous un signe que l'été est bel et bien arrivé? Un seul événement, Limoilou en musique du 20 au 23 juin, de concert avec la Fête nationale des Québécois et Québécoises, vous propose un véritable feu roulant d'activités pour toute la famille. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Au programme, Radio Radio, Angel Forest, Patti Galant, Les Batins et plus encore. Du 20 au 23, c'est Limoilou en musique. Informez-vous sur monlimoilou.com et limoilouenvrac.com. Salut, c'est encore moi. Vous vous souvenez du t-shirt 40e anniversaire de CKRL? Bon, ben, on a encore toutes les grandeurs. Petit, moyen, large, mais il est en vente, 15$. Wouh! 5$ de rabais, c'est pas si pire. 405, 3e avenue, Limoilou, pour un temps limité. Salut. Comment condenser le meilleur de la musique britannique en 90 minutes? Do you know where the waffles go? They go along to take your money. Facile. Écoutez Mezzanine avec Michel Drolet tous les jeudis de 18h30 à 20h. L'Angleterre, comme si vous y étiez. De retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terrain Incognita. Est-ce qu'on a entendu, donc, juste avant la pause, Ben Craven tiré de Great and Terrible Potion? C'est son premier album. Une belle réussite, la pièce No Specific Arm. Et juste avant, on avait eu Mogon, la pièce Snuff, tirée de ça, The World and It's Beautiful. We saw the world and it's beautiful. Alors, donc, on poursuit avec quelques nouveautés italiennes. Je vous en avais parlé en début d'émission. C'est des trucs. Le premier, Unreal City, donc produit par Fabio Zuffanti de La Mascara di Cera. Et c'est leur premier album, La Crudelta di Aprile. On ira avec la pièce Dove la luce è più intensa. Et ce sera suivi par Camellia's Garden, qui est aussi un groupe italien, mais cette fois-là, ils chantent en anglais. C'est une des parties de la pièce Some Stories, Dance of the Sun. C'est de leur premier album, You Have a Chance. Donc, on y va tout de suite avec ça. Et un beau petit bloc de deux pièces italiennes, et on vous revient. Alors, Unreal City et Camellia's Garden.

possibly don't know the law. They've been taught to tidy up every green, but the brothers almost green. Then you begin in subtly return. Oh, once lost will match to one. And in the nightfall, wandering by and so far. Judgment, wondering if I'm so dark. And in samsara's wondering all I have done. Life a barren field, the breeding star within, never's looking reach the deepest hidden. Set the barrel things meticulous that I kept. Carved in my red light, the trial scars I'm ready to forget. De l'Italie, Camellia's Garden, You Have a Chance, c'est le titre de leur premier album, et c'était la pièce Dance of the Sun, et précédée par Unreal City, La Cruelta di Aprile. Alors, on y va en musique avec un groupe qui nous visite, c'est Pendragon, c'est un groupe qui roule depuis plusieurs années. Ils ont 9 albums depuis 1985. Et Pendragon qui seront donc à l'Impérial de Québec le 19 octobre. Et en première partie, Red Sand. Red Sand qui vient tout juste de faire paraître leur nouvel album Cinéma du Vieux Quartier. Et on a entendu un extrait de Behind the Mask, leur précédent, la semaine dernière. Et donc, Pendragon qui viendront nous présenter leur musique. Manquez pas ça, les billets sont en vente. Et donc, on ira avec une pièce de Pendragon tirée de Pure, leur avant-dernier album. C'est un album paru en 2008, la pièce Indigo. Thank you. We'll be right back.

naissance. Des enfants ont un blafard, imbibé de violence, comme des buvards qui se perdent comme leur père, à faire et refaire le nœud coulant de la boucle du temps. Le temps est une passoire qui épure les consciences, une passoire à mémoire qui sauve les apparences. Et même si c'est lourd, n'oublie pas d'où tu viens. Va vers le nouveau jour qui se lève demain. Groupe français Lazuli, c'est tiré de leur plus récent album 4603 battements. On les entend probablement là, voilà. Et voilà. Et c'était la pièce Je te laisse ce monde. Juste avant, il y avait eu Pendragon tiré de Pure Indigo. Alors on est à notre dernière demi-heure, il reste 25 minutes et je voulais vous présenter du groupe Argos leur second album intitulé Circles. Il est vraiment intéressant, il est assez différent du premier et du plus récent. Très personnel, il y a des belles pièces sur ça. J'ai choisi The Gatekeeper, donc du groupe Argos de l'Allemagne. Et ensuite, on aura de l'Italie encore, une dernière pièce italienne pour ce soir, tirée de leur plus récent Absent Tales of Romantic Visions et la pièce Where Were You All? Et ensuite, on va terminer ça avec Steve Hackett, tiré de Steve Hackett Revisited, pour faire un pont avec l'autoroute. Alors, on y va tout de suite en musique, donc le programme avec Argos, Mogador et Steve Hackett. We'll be right back. Kehr nicht um, als sei es zu viel. Bis ans Ende musst du gehen. Trying to find the gates. It seems there's no escape out here. This time it's much too late. Tears creep up inside as we run. Thank you. strange to mine. And yet a dream like comfort came into my heart in angel's eye. I'm trembling yet to hear his name. I beg to listen naturally. search everywhere just to hear your call. I look upon stranger roads than this one in a world I used to know. The sun reflecting off my pillow, bringing the warmth of new life. And the sounds that echoed all around me, I caught a glimpse of in the night. Oh, but now lost everything I give to you, my soul, the meaning of all that I believed before escapes me in this world of known nothing. Alors, c'est sur Afterglow et In That Quiet Earth, tiré de Steve Hackett, Genesis Revisited 2, que se termine l'émission Terrain Incognita ce 22 juin 2013. C'était Marc Chaunet à l'animation Choix musical et Bruno Côté à la mise en onde. Alors, on vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. C'est l'émission L'Autoroute. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Voulez-vous un signe que l'été est bel et bien arrivé? Un seul événement, Limoilou en musique du 20 au 23 juin, de concert avec la Fête nationale des Québécois et Québécoises, vous propose un véritable feu roulant d'activités pour toute la famille. Y en a qui connaît, y en a qui connaît pas. Au programme, Radio Radio, Angel Forest, Patti Galant, Les Batins et plus encore. Du 20 au 23, c'est Limoilou en musique. Informez-vous sur monlimoilou.com et limoilouenvrac.com. Salut, c'est encore moins. Vous vous souvenez du t-shirt 40e anniversaire de CKRL? Bon, on a encore toutes les grandeurs. Petit, moyen et large, mais il est en vente. 15$. Wouh! 5$ de rabais, c'est pas pire. 405, 3e avenue, Limoilou, pour un temps limité. Salut. Comment condenser le meilleur de la musique britannique en 90 minutes? Do you know where the waters go? They go along to take your money. Facile. Écoutez Mezzanine avec Michel Drolet tous les jeudis de 18h30 à 20h. L'Angleterre comme si vous y étiez. Distorsion. Effet Larsen. Une émission en super réverbération. Ton oreille a soif. Fais boire ton oreille tous les jeudis 22h. Ton oreille a soif. Avec Jean-Sébastien Grondin, Olivier Lantier et l'aimable collaboration sporadique de Jean-Pierre Malou. Ton oreille a soif à CKRL 89.1. La radio qui cultive tes choux. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les